Moi j'ai 3 mois depuis moi pas ouais au chéri. Caché pas caché, je dis à Follève nous rencontrer. Connais bien amour, toujours m'en dis caresse. C'est seul soulagement pour des mondes qui remettent. Pas en jaloux, moi comme ça chérie. Ou à faire un sacrifice en amour, toujours comme ça. Pour des parents, un bail pour plaire. Bête qui plaît fort. Mais ça c'est témoignage au coup fait yo bail. Oui ma poutre ça m'a fait. Wow wow. bagay sa ki ban mwen plus problem. Yo chita ya pe fè tripotage, yo ka fè fè du ménage mwen. Mèm rete m sonje jan nou remè, se bagay sa ki ban mwen plus problem. Yo chita ya pe fè tripotage, yo ka fè fè du ménage mwen. Mwen remè kon sa, mes ami mwen remè ménage mwen kon sa. Mwen remè moun kon sa, oh, ba vin ban tripotage. Mwen remè kon sa, sa bon Dieu vle pèche la tè pa ka empêche. Mwen remè moun kon sa. Ça mon Dieu v'lait pêcher la terre pas qu'à empêcher. Oui, mais même comme ça. Ah, il me remène comme ça. Yo!